Et après, il y a eu. Ah, je t'ai pas vu celui-là. Ouais, le. Sûrement moyen de massacrer ce morceau et... Wouh ouais, allez, allez, allez, boîte de merde là et bourrez-vous la gueule, bande de merde. Enculez-vous les uns les autres. L'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens, vous êtes. Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net, sûr. Canal Sud n'est nullement responsable pour les dires et actions du producteur de l'émission Nuisance qui encule ses parents. Les mourir, c'est les jambons. C'est distasteful manners destroyed by the symbolic knot. Like knotty-headed jugs of counterbalancing weights of ceramic-shaped tinkles. You as I shatter. And they and we shatter. For wheat as they, and us and them, I mean the eyes of wisdom unattained, longing for gusts of fluent, le flot, en interminable culpabilisation consciencieuse. de l'être, maintenant à jamais. La réponse ailleurs à quelle question d'ici encore? Merde, sale chiotterie puant l'anus moisi par les trous de verre dans la peau, sous les peaux. Les sapeurs, pompiers du squam, squat, les squales, par l'escouade tout entière dans le square. En quack et en quad, fuck it, avec un accent sur le it. Damn it, pareil et enfin shit. Fuck, cunt pissing motherfuckers, piss at your anus, stupid holiness of shitty ass wiping, eczemic, endemic, pandemic, frying pan, shit. You as I should hopefully be dying deadly. Nests of holy patrons patronizing, coincidence of circumstantial descending of condescension, fuck it. Comme dans le foutre du dieu raison. Pas le dieu doué de raison, ni le dieu raisonnablement de la raison, non. Mais plutôt celui ou celle, entre guillemets, raison limpide. Obtusément, délirement, tentant, entre parenthèses, les raisons n'obscurcissent pas la perverse blessure de l'âme, merde, non, silencieusement, ma gueule, putain, c'est pas trop tôt, nos gueules, merde de merde, chiotte. Ainsi. Les possibles émancipations dans l'acte déraisonnent raisonnablement pour ne mettre en permissive réaction que les boulons qui fonctionnent le raisonnable. Pourtant, les autres aveuglent le reste du temps. C'est soi qui le fait, qui ose oser le bonbon moite, pourtant si décrépit de l'azur, pas si bleuté. Et les odeurs pestilentielles refluent chaque putain de jour. Alors que faire? Que qui l'a fait de maintenant? Alors ne pourquoi pas le tricider là? Alors que la foule en liesse crache en bénissant du doigté le protracteur de fond en comble pour les envahir de leur relent, les possibilités. Point de suspension sont infini de maintenant à pendant, merde! Et pour toujours de ce temps, la folie subsistante. Pour maintenant, à qui ne pas le voir pas mal, les insectes grouillent dans le désert des lasures radioactives et ce mal est mis en patience pendant que le temps coule. Pourquoi? Pour qui? Pour tous ces gens qui empoisonnent l'élan de vie, comme moi je passe mon temps à empoisonner mon air, un mois de respiration de ma vie à moi, merde! Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'était une nuisance. Ce fut une nuisance du 12 octobre 2012 avec comme invité exceptionnel Gab et Autiste, également Al, le producteur de cette émission, à qui l'on pardonne tout parce qu'il est fou, tu vois.